mademoiselle, j'ai encore envie de vous. Par-delà l'éternel, c'est tellement doux. Waouh, waouh, vous qui tenez la chandelle, je suis à vous. Faire brûler les ailes pour quelques amourettes. Encore un nouvel envol. Allez, Julien. Pas de jaloux. Waouh, waouh. Les effets de l'alcool sont tellement fous. Waouh, waouh. Encore une fois fidèle, je suis à vous. Prêt à me brûler les ailes pour quelques amourettes. Ne prenant pas garde à mon cœur si volage, je m'envole au paradis. Pas de jaloux, vous qui tenez la chandelle, je suis à vous, prêt à me brûler les ailes pour quelques amourettes. Ne prenant pas garde à mon cœur si volage, je m'envole au paradis. C'est le plus beau voyage. Il est encore amer et sage, comme au premier jour. Dans les bras de la sage femme qui lui a fait voir le jour. Vous qui tenez la chandelle, je suis à vous. Prêt à me brûler les ailes pour quelques amourettes. Je m'envole au paradis, c'est le plus beau voyage. Oh!